Thomas Laurent est toujours avec moi aujourd'hui hein, sur Radio Couleur Chartreuse pour nous parler de sa maladie, mais également aussi de la problématique du handicap et surtout de l'implication hein, sur l'AFM Téléthon et des belles choses qui sont à venir pour toutes les personnes qui sont malades. Oui. Alors dites-moi, l'implication de l'AFM Téléthon et surtout cette année-là, cette nouvelle édition hein. Eh bien oui, donc cette édition, comme toutes les précédentes, ce sera l'occasion donc de récolter un maximum de fonds pour assurer les différentes missions de l'AFM Téléthon. Donc d'abord la principale sûrement et la plus visible, c'est la mission guérir, celle de la recherche médicale. Et donc actuellement, grâce à l'argent du Téléthon, il y a plus de 41 essais cliniques qui sont en cours sur 32 maladies différentes. Et puis il y a un certain nombre de victoires sur la maladie ces dernières années, donc dans différentes pathologies. C'est notamment le cas, par exemple, pour l'amyotrophie spinale de type 1, qui est une maladie qui avant condamnait les enfants avant l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui, grâce aux recherches du Téléthon et grâce au laboratoire Geneton, qui est financé en très très grande partie par le Téléthon, il y a 60 enfants qui ont pu être traités en France. Et aujourd'hui, c'est des enfants qui peuvent vivre quasiment normalement grâce à ce traitement. Et donc, c'est le cas pour d'autres pathologies. Il y a de plus en plus de recherches qui sont en cours. Et par exemple, sur la myopathie du chêne, donc la maladie par laquelle je suis touché, il y a aujourd'hui un essai clinique qui est en cours. Il a dû être interrompu à une période parce qu'il y avait des effets secondaires qui ont été décelés chez certains. Mais là, donc, suite aux investigations, l'essai a pu reprendre dans de bonnes conditions. Et donc, c'est un essai clinique qui apporte beaucoup d'espoir aussi, puisque il y aurait peut-être il faut laisser le temps à la recherche, mais il y aurait peut-être la possibilité de trouver un traitement dans les prochaines années. FM Téléthon est là aussi hein, pour vous aider, vous en tant que malade, mais aussi les personnes qui souhaitent s'investir dans cet événement. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis voilà, il y a une deuxième mission aussi grâce à l'argent du Téléthon qui est assurée, c'est la mission d'aider, parce que en attendant qu'il y ait des traitements pour toutes ces maladies, et puis malheureusement il y en a pour lesquelles ça prendra beaucoup de temps, il faut quand même que les personnes puissent vivre dans les meilleures conditions. Et donc ça, c'est une des missions aussi que se fixe l'AFM Téléthon. Et il y a notamment 180 professionnels qui sont là pour aider donc les familles, et qui sont donc les référents de parcours santé, comme on les appelle à l'AFM. Ils sont donc des travailleurs sociaux qui sont là pour aider les familles et pour les quand il faut remplir des dossiers très lourds de demandes d'aide, par exemple pour des équipements comme des fauteuils roulants ou des choses comme ça, et donc qui sont là donc pour aider. Et enfin, une dernière peut-être mission qui est assurée par l'AFM, c'est celle de communiquer autour de ces maladies, et donc de les faire connaître, l'avancée des recherches aussi. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. On rappelle hein, que l'AFM Téléthon a aussi pour mission d'aider, de soutenir aussi les malades et leurs familles. Hein. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est très important. Donc je remercie beaucoup Thomas Laurent d'avoir participé aujourd'hui hein, sur Radio Couleur Chartreuse. Son soutien aussi aux autres malades et aussi pour l'AFM Téléthon 2022. Le Radioton Chartroussin ici hein, sur la Vallée du Guet. Merci beaucoup Thomas. Eh bien, merci à vous. On vous souhaite en tout cas de bien poursuivre votre parcours de vie et surtout une belle continuation. Merci, vous aussi.